toutes et à tous dans l'émission Biodiversité en Val d'Amboise sur Radioactive, une émission qui succède à l'Atlas de la biodiversité, opération qui a consisté en quelque sorte à faire un état des lieux de la biodiversité sur notre territoire aujourd'hui. Alors, les plantes, les animaux, les insectes, mais aussi les sols, les paysages et tout ce qui nous relie à eux. Et pour faire suite à cela, depuis le mois de mars, la communauté de communes de Val d'Amboise, la CCBA, a lancé une grande consultation citoyenne afin de mieux comprendre le regard des habitants sur la biodiversité locale. Les résultats seront exposés lors d'une soirée publique de restitution qui aura lieu ce vendredi 23 mai à 18h30 à Nazelles-Négron. Et pour en parler, on retrouve Thomas Boucard, chargé de mission transition écologique à la CCBA. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, petite remise dans le contexte, hein, comme d'habitude pour nos auditeurs qui débarqueraient dans ce créneau sur Radioactive. Rappelez-nous un petit peu quels enjeux ont été déclinés à la suite de l'Atlas de la biodiversité, Thomas. Oui, sur le territoire, on avait des enjeux qu'on connaissait déjà, notamment en lien avec la Loire ou la forêt d'Amboise, qui sont des zones qui sont assez, qui sont beaucoup observées. Mmh. Et cet atlas, il a permis d'identifier des enjeux à taille plus réduite sur des habitats qui sont menacés. C'est notamment des prairies humides, des prairies pelouses sèches, des petits habitats comme ça qui aujourd'hui sont un peu relictuels en fait sur les territoires et qu'il faut du coup préserver. Puis on a découvert aussi la présence de certaines espèces dont on ne savait pas forcément ou dont on n'était pas sûr qu'elles étaient présentes sur le territoire. Je pense aux chats forestiers notamment. Oui, des espèces pour lesquelles on n'avait pas ou peu d'observations. Alors on se doutait qu'elles étaient présentes ou on pouvait le supputer, mais effectivement cet atlas a permis de confirmer la présence de certaines espèces ou l'étendue de leur répartition sur le territoire, comme pour la loutre d'Europe aussi. Absolument, dont on voit d'ailleurs des captures d'images. Oui, qu'on met de temps en temps sur notre page Facebook. Donc depuis le mois de mars, il y a un questionnaire qui a circulé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la conception de ce questionnaire? Qu'est-ce qu'il contenait et qui l'a créé? Eh bien, c'est une création maison de la communauté de communes. En fait, durant l'Atlas, il y a eu des temps de concertation avec le public, mais plus sous la forme d'animation, pour que les gens participent aux inventaires. Là, l'idée, c'est de faire participer les gens à la construction du programme d'action qui fait suite à l'Atlas. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé et diffusé ce questionnaire qui nous permet de connaître la sensibilité des répondants vis-à-vis du sujet biodiversité. Qu'est-ce qu'ils font chez eux? Est-ce qu'ils mènent des actions en faveur de la biodiversité? Quelles sont-elles? Et puis, leurs besoins sur le sujet. Est-ce qu'il y a des besoins d'accompagnement, d'information? Et notamment dans le cadre de l'ouverture de la future maison de l'habitat, pour laquelle il y aura du conseil, notamment sur le plan environnemental et la biodiversité. Donc ça va guider notre action sur le sujet. Et oui, évidemment. Vous avez eu une bonne participation via ce questionnaire? Elle est satisfaisante pour un questionnaire, parce que c'est toujours un peu compliqué d'avoir beaucoup de répondants sur un questionnaire. Il y en a beaucoup, les gens sont beaucoup sollicités. On a près de 250 réponses, ce qui est assez peu vis-à-vis du nombre d'habitants du territoire, oui, mais sûr. Qui est quand même suffisamment intéressant pour en tirer quelques conclusions. Alors justement, Thomas, qu'est-ce que vous avez relevé comme priorité, un constat un petit peu peut-être global de ces retours? Le biais, c'est que les gens qui répondent sont des gens plutôt sensibilisés, de base. C'est toujours difficile d'aller chercher, de toucher les personnes moins sensibles sur un sujet. Donc il y a peut-être ce biais-là, mais sinon, ce qui ressort parmi les gens sensibilisés du coup qui ont répondu, c'est que beaucoup font déjà des choses, agissent déjà sur la biodiversité. Et pour autant, il y a encore des marges de progression et des besoins de conseils et d'accompagnement sur certains sujets. Des sujets clés dont on entend beaucoup parler, comme les plantations, l'accueil de la faune sauvage chez soi, et d'autres qui sont peut-être un peu moins évidents parce qu'ils demandent de l'engagement ou du temps, qui sont de s'investir dans une association par exemple, ou de participer à des inventaires justement. Et ça, c'est une des choses qui ressort, c'est qu'il y a pas mal de répondants qui souhaiteraient davantage s'impliquer dans l'observation et le suivi des espèces sur le territoire. Et ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, si je ne me trompe, ce week-end, il y a effectivement la restitution lors de la soirée publique de ce questionnaire, mais c'est aussi le week-end d'observation nationale des oiseaux. Oui, c'est le comptage national des oiseaux des jardins. C'est coordonné par la Ligue pour la protection des oiseaux au niveau national. Tout le monde peut participer, il suffit d'avoir une fenêtre, parce que même pas forcément un jardin, je crois. Et puis se poster, je ne sais plus la durée effective, mais durant un temps donné, et puis observer les oiseaux qui passent et qui s'arrêtent. Donc c'est à la portée de tout le monde et chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice de ce répertoire des oiseaux. Alors cette soirée publique du 23 mai, on va y revenir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre si on y vient à cette soirée ? Eh bien cette soirée va se dérouler en plusieurs temps. D'abord on va reposer un petit peu le contexte, parce que le questionnaire a montré que tout le monde n'avait pas connaissance de l'Atlas de biodiversité. Et du coup on va repartir un petit peu de ce point de départ pour dérouler la suite. Et ensuite, on va présenter les résultats du questionnaire, les tendances qui ressortent des réponses. Vous avez préparé un PowerPoint. Oui, j'ai préparé un magnifique PowerPoint. C'est en cours. Et du coup, surtout, ce qui va être intéressant, donc on aura un temps comme ça assez descendant de présentation pendant une demi-heure maximum. Mm-hmm. Et puis ensuite, pendant une heure, il y aura un temps de plus d'ateliers où les personnes seront invitées à donner en une fois de plus leur avis et leurs idées sur les sujets qui seront ressortis du questionnaire, comme les sujets prioritaires. Donc là, on a des sujets prioritaires. L'idée, c'est de savoir concrètement comment on les met en place, qu'est-ce que les gens attendent pour nous guider derrière la rédaction du plan d'action et les actions à prendre en compte. Quel type d'atelier va être proposé ? Est-ce qu'on retrouve un quiz, des expos photos ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu ? Est-ce qu'on peut venir avec ses enfants, par exemple ? Oui, bien sûr. C'est ouvert à tous, complètement gratuit et pour tous les âges. Il y aura quelques petits jeux, mais l'idée, c'est surtout d'inviter les gens à participer au programme d'action et à sa construction. Donc, ce sera sous la forme de questions à choix multiples, pas mal. Et les gens seront invités à se positionner sur des actions et hiérarchiser un petit peu ce qu'ils souhaitent pour le territoire. Mmh, d'accord. Alors, ça va être quoi la suite ? Effectivement, ça va être la mise en œuvre, on imagine. Est-ce qu'on imagine un délai pour démarrer tout ça ? Oui, l'objectif, c'est d'approuver le plan d'action d'ici la fin de l'année et de s'inscrire dans une candidature au dispositif Territoire engagé pour la nature. Donc, de candidater à la suite en fin d'année. Et ensuite, d'être labellisé pour 3 ans. C'est un dispositif de reconnaissance sur 3 ans. Ouais. Et donc, on est accompagné par l'Agence régionale de biodiversité dans ce processus. Et pendant ces 3 ans, c'est de décliner le programme d'action. Donc, ça commence dès début 2026. Est-ce qu'on peut et comment on peut continuer de s'impliquer, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective ? Alors, on l'a compris, en s'impliquant, pourquoi pas, dans des associations locales qui travaillent pour la biodiversité, comment on peut faire autrement ? Alors oui, déjà, oui, toujours à rappeler aux auditeurs qu'effectivement, il y a beaucoup de structures et d'associations qui travaillent sur le sujet, qui proposent beaucoup de choses. Il y a plusieurs plateformes collaboratives d'observation en ligne, celle développée par la CEPANT, Obs37, celle qui est développée par la LPO, Faune Touraine. Voilà, il y en a plusieurs, j'en oublie. Et ensuite, nous, ce sera un des axes, a priori, je ne sais pas encore ce qui sera validé définitivement, mais a priori, ce sera un des axes du programme d'action, c'est-à-dire continuer à enrichir les connaissances sur la biodiversité et donc passer pour ça par des temps avec le public, d'inventaire participatif notamment, je pense, dès 2026. Et si d'ici là apparaissent des loups en Indre-et-Loire, par exemple, ce fameux débat, on entend dire que les loups se rapprochent de plus en plus. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un observe un loup, alors là vraiment je pars dans quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de la supposition, mais on peut prévenir tout de suite qu'on a observé une nouvelle espèce ? Si vous avez potentiellement observé un loup ou pris un animal pour un loup, parce que parfois il y a des confusions souvent, il faut plutôt en référer à l'Office français de la biodiversité, je pense, qui suit justement l'évolution de la population au niveau national et local des loups. Mais là, c'est la première année, a priori, de ce que j'ai lu récemment, où la population a cessé d'augmenter. On est plus sur un plateau là qui a été atteint a priori. D'accord. Voilà. Et il y a des individus errants de temps en temps. Oui, mais... c'est ça. Ok, bon, on dérive un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Thomas pour ces éclairages essentiels sur un sujet qui nous concerne tous. On rappelle que vendredi 23 mai à 18h30, ça se passe à la salle communautaire de Nazel-Négron, donc juste à côté du siège de la communauté de communes. Oui, hein, juste à côté, effectivement. C'est donc une soirée participative autour de la biodiversité, avec des quiz, des jeux, des discussions, une belle occasion de faire entendre sa voix et puis d'imaginer ensemble les actions concrètes à venir. Donc il faut rester curieux, attentif et surtout bien surveiller ce qui se passe sur la page de la communauté de communes Val d'Amboise et tout ce que vous proposez Thomas dans ce cadre. Exactement. J'aurais pas mieux dit, merci. Peut-être un petit mot pour convaincre nos auditeurs d'y participer. Qu'il est important de, effectivement, comme vous disiez, porter sa voix. Et puis, c'est l'occasion, en fait. Voilà, vous avez répondu au questionnaire. Vous avez déjà fait porter votre avis. Là, on vous demande, si vous voulez bien, d'aller encore un peu plus loin pour guider l'action derrière et qu'elle soit la plus adaptée possible à vos attentes. Donc, c'est le moment de venir et de donner son avis. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Rendez-vous vendredi 23 mai à 18h30 à la salle communautaire de Nazelles pour cette soirée participative. C'est la fin de cette émission Biodiversité en Val d'Amboise. Vous pourrez la retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.